Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 6. De la bonté de Dieu. Que Dieu est bon, souverainement bon, seul bon par essence, source de toute bonté. 1. La bonté convient-elle à Dieu? À qui la bonté pourrait-elle convenir, si ce n'est à Dieu, le Seigneur? Nous dit la Sainte Écriture, est bon pour ceux qui espèrent en lui et pour les âmes qui le recherchent. Jérémie, Livre des Lamentations, 3:25. Un être est bon en raison de ce qu'il est digne d'être recherché. Or, il est incontestable que chaque être veut sa propre perfection. Mais où se trouve la perfection des créatures ? Sinon dans une certaine ressemblance avec l'agent qui les a produits. L'agent lui-même contient donc une sorte d'appétibilité, et par là même une certaine bonté, car il est tel de sa nature que l'effet doit désirer quelque chose de lui, savoir, une participation à sa ressemblance. Eh bien, Dieu est la première cause efficiente de toute chose, donc il renferme en lui la bonté et l'appétibilité. Aussi saint Denis attribue-t-il la bonté à Dieu comme à la première cause efficiente, disant que Dieu est bon parce que tout vient de lui. Note. On va peut-être objecter que, d'après ce qui a été dit, le bon consiste dans le mode, l'espèce et l'ordre, choses qui ne conviennent pas à Dieu. Mais, puisque le bon est en Dieu, comme dans sa cause, c'est à Dieu qu'il appartient de distribuer le mode, l'espèce et l'ordre, et, par conséquent, ces choses sont en lui comme dans une cause qui les distribue aux êtres qu'elle produit. Toutes les perfections sont une certaine ressemblance de l'être divin. En recherchant leur propre perfection, les créatures recherchent Dieu. Les créatures raisonnables tendent vers lui par la connaissance, les autres, par l'appétit naturel. Fin de la note. 2. Dieu est-il la bonté suprême? Dieu, dit saint Augustin, est le souverain bien que voient les esprits purifiés. Dieu est le bien absolu, et non pas la bonté seulement dans un genre ou dans un ordre de choses. Et, en effet, d'après ce qui précède, il est appelé bon parce que toutes les perfections désirables procèdent de lui, comme de la cause première des choses. Mais il faut remarquer qu'elles en procèdent comme d'un agent qui ne leur ressemble en rien, ni pour l'espèce, ni pour le genre, car, si la ressemblance de l'effet avec la cause se manifeste sous une même forme lorsque la cause et l'effet sont de la même espèce, il en est tout autrement lorsque la cause est d'une autre nature que l'effet. La ressemblance se trouve alors d'une manière plus excellente dans la cause. Puis donc que le bien est en Dieu comme dans un être qui n'est pas de même nature que ses effets, il y est de la manière la plus excellente, et voilà pourquoi l'on dit que Dieu est la bonté suprême, ou qu'il est souverainement bon. Le mot souverainement n'ajoute rien. Pour le fond, à la bonté de Dieu, il se dit relativement annoué aux autres créatures. Note. La bonté se prend ici dans le sens du bien. Dieu est le souverain bien parce que de lui découlent tous les biens et qu'il ne saurait être comparé à aucun de ses effets que par suréminence. Fin de la note. 3. Dieu seul est-il bon par essence? Or Dieu, dit Boès, les êtres ne sont bons que par participation. Il n'y a, en effet, que Dieu qui soit bon par son essence, lui seul, à l'exclusion de toutes les créatures, trouve son essence dans son être, lui seul possède substantiellement ce que les créatures n'ont que par accident, lui seul est à lui-même sa propre fin en même temps qu'il est la fin de tous les autres êtres, lui seul, en un mot, trouve dans son essence toutes les perfections. Donc il est seul bon, non par participation, mais essentiellement. 4. Toutes les choses sont-elles bonnes de la bonté divine? Toutes les choses peuvent être considérées comme bonnes de la bonté divine, dans le sens qu'elles proviennent de Dieu, qui est le premier principe en même temps que la cause efficiente et finale de toute bonté. Mais elles n'en méritent pas moins le nom de bonnes pour porter en elles un effet particulier de la bonté divine, duquel elles tirent formellement leur bonté propre et la dénomination qui leur convient. Il y a ainsi une bonté générale, qui est une, et à laquelle tous les êtres participent, puis, une multitude de bontés propres. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.